gêne. On est loin du jardin d'Éden. Y'a que des chiens et y'a que des chiennes. T'es que de la chair fraîche pour les hyènes. Faut que la colombe fait du baltrap. Avant moi t'écoutais pas de la trappe. Ou pas qu'elle a fumé du sang. Et je traverse le brouillard en novembre. Plus rien à battre, quatre motifs pour tous les abattre. J'apprends la notice, bien philosophale. Il pleut des thunes, comme si les étoiles tombaient une par une. Si t'es mon rêve, je donne de la force. Tu dis que c'est fini, mais elle force. En feu des traits, je parle en morse. Je suis noir comme sur le drapeau corse. Rien de salut, je suis tellement isolé. Je n'ai que mon pistolet. Puis tes larmes peuvent bruisseler. Y'a tout ma marque m'immoler. On est comme emprisonné. Fumé et picolé. Juste une rafale pour dire au revoir. J'suis tellement isolé. Je n'ai que mon pistolet. J't'écoute. La hache fait les fers frissonner. On est comme emprisonné. Fumé et picolé. Des balles comme accessoire. Juste une rafale pour dire au revoir. Comme si je montais sur la tour de Babel. Plein de kérosène dans les ailes. Je voulais faire ça sans témoin. Mais j'ai 7 milliards de voisins. Tu mets des connes sur le net. J'ai plus de voitures que tu n'as de baskets. Si je veux j'achète, je passe comme quand y'a un trou dans la raquette. J'arrive à voir derrière ce que tu penses. Comme quand y'a un trou dans ta tête. Même boycotté, je les ai pliés. Je suis l'attaquant et les deux ailiers. On m'a dit t'es foutu, t'es dans train. Mais je serai debout jusqu'au clap de fin. Gun salut. Je suis tellement isolé, je n'ai que mon pistolet.